avec tout le monde, toutes les filles, je veux vous entendre avec moi. Major, dis-moi que tu m'aimes à la folle. Monsieur d'Angeline, Major, mental sans drap pas hors. Major, dis-moi que tu m'aimes à la folle. Monsieur d'Angeline, Major, mental sans drap pas hors. Ma jolie, elle rend fou les hommes quand elle passe dans la zone. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma jolie. Il me semble, mais je dis pas, je suis trop terre-terre. Je l'aime bien cette girl, je crois bien que c'est mon coup de cœur. J'espère que je reste dans cette heure. Donne-moi mon cœur. Franchement t'es jolie, et ce boule qui met dans les sons. Je pense souvent à toi quand je m'ennuie. Et toi tu commences en moi. Je crois que tu parles plus. Dis-moi qu'est-ce qui se passe là. Qu'est-ce qui t'a déplu. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses moi. Quand je la calcule pas. Ma jolie elle attend que je serre. Ma jolie. Allez à vous le refaire à vous. Monsieur d'Angeline, Major. Major, dis-moi que tu m'aimes à la folle. Monsieur d'Angeline, Major. Les filles. Ma jolie, ma jolie. Ma jolie, ma jolie. Ma jolie, ma jolie. Ma jolie, ma jolie. Ma jolie, ma jolie. Ma jolie, elle fait des dégâts. Même fort, elle s'en fout des gars. Elle me fait sourire à chaque fois qu'elle me voit souffrir. Quand elle me fait la tête, je vois mon cœur s'ouvrir. Je fais des bisous, je fais des gâtés. Sa peau toute douce, elle me fait craquer. Quand tu me tournes autour, ça fait longtemps. L'instant de chauffement jolie, je ne vois même plus passer le temps. Quand je vais la voir, je suis en Asie, mon calendrier. Je crois bien que je vais rester avec elle jusqu'à l'indie. Ma jolie, je fais tester mon brolic. Dans ma folie, je fais tester mon brolic. Je m'affole, folle, folle, faut que tu restes. C'est ma drogue, la vie colle, colle, colle. Elle me donne des ailes, ailes, ailes. Ma jolie. Ma jolie. Ma jolie, qu'est-ce qu'elle est belle, ma jolie. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ma jolie, dis-moi que tu m'aimes à la folle. C'est d'Angeline, ma jolie. Ma jolie, ma jolie. Ma jolie, ma jolie. Ma jolie, ma jolie. Ma jolie, ma jolie. Thank you.